Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Nicolas Pereira. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, le podcast 2030 Glorieuses est soutenu par la NEF. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Ça fait quelques temps que je vous l'annonce déjà, mais c'est vraiment tellement important et je suis tellement fier de ce partenariat que je continue à vous le présenter. Et en plus, il va me permettre de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Aujourd'hui, avec Nicolas, nous échangeons à distance et nous allons parler du métier d'architecte de Nicolas. Ensemble, nous allons aussi discuter de comment faire en sorte que l'acte de bâtir, et ça c'est toi qui le dis, que cet acte ne soit pas une fin en soi, mais un moyen de mieux vivre en phase avec le territoire. Bref, tout un programme. Mais avant, je prends quand même 30 secondes pour vous dire que le guide de conversation utopique est toujours en campagne de financement participatif sur zest.coop. Il faut qu'on atteigne à minima les 100% pour lancer l'impression du guide. Et puis surtout, vous qui aimez voyager avec nous en 2030 Glorieuse, je suis sûr que la création d'un site internet dédié aux 2030 Glorieuses avec tout un tas d'outils, ce qui correspond aux 150% de la campagne, puis la création d'un cycle de conférences sur le pouvoir des utopies qui correspond aux 200% et donc au troisième palier, ça serait vraiment génial. Et le crowdfunding, il est disponible encore pendant quelques semaines, mais ça va aller vite. N'hésitez pas à nous soutenir, chaque contrepartie compte. Et puis si vous pouvez aussi le relayer autour de vous, largement, ça nous fera le plus grand bien. Donc venez nous soutenir sur le financement du guide des conversations utopiques sur zest.coop. Voilà, c'est dit et c'est parti. Pour commencer cet échange, Nicolas, je te pose la même question que je pose à tous mes invités. Imagine que tu te retrouves dans une soirée, par exemple, avec des personnes que tu n'as encore jamais rencontrées et vient la question fatidique, tu sais, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors bon, je leur réponds que bon, je suis architecte, c'est un métier en soi, donc c'est mon métier premier, mais l'architecture, il y a différentes façons de l'exercer. C'est un métier que chacun va faire, disons, à sa façon. C'est plutôt une vocation plutôt qu'un métier qui serait vraiment avec une seule direction. Donc moi, ma façon de travailler, de réfléchir à l'architecture est orientée autour de la réhabilitation du bâti ancien. Mais je suis aussi gérant d'un bureau d'études en ingénierie sociale qui, lui, alors l'architecture va questionner, disons, le bâti et notre cadre de vie, et notre bureau d'études en ingénierie sociale va questionner, disons, toute l'interface entre l'habitat et l'habitant. Donc se questionner sur tous les usages, toutes les initiatives habitantes qui peuvent nourrir notre réflexion aussi d'architecte. Ça fait très longtemps, Nicolas, que je cherche à avoir une personne comme toi, puisque on sait que les enjeux du logement en France, les manières d'habiter le territoire, avec tout ce qui est lié, hein, on pourrait parler de l'énergie consommée par le chauffage, on pourrait parler de la bétonisation, on pourrait parler aussi de la création et de l'augmentation des fractures sociales. Il y a vraiment tout un tas de sujets qui sont liés à la manière d'habiter le territoire. J'avais toujours peur, en fait d'avoir un technicien qui arrive avec une vision trop froide ou une méthode un petit peu trop rigoureuse qui donnerait pas de l'épaisseur à cette conversation que j'ai envie d'avoir. J'ai l'impression que aujourd'hui enfin je tiens la bonne personne, donc j'en suis vraiment ravi. Et pour comprendre pourquoi tu es la bonne personne, j'avais envie justement que tu nous dises comment t'es venue cette manière de faire l'architecture. Tu parles tout de suite de considérations sociales, environnementales aussi, j'entends, à travers la réhabilitation. Ces considérations-là que tu portes, comment te sont-elles venues ? Ce sont, c'est un parcours qui, je crois, qui se construit. Hein, les architectes construisent un peu leur parcours au fur et à mesure de leurs expériences, de leurs rencontres, et je pense un peu aussi de leurs affinités sociales et politiques. Alors, bon, je pense que j'ai toujours eu un fort questionnement sur mon implication personnelle et mon engagement personnel au niveau social et politique, et que tout ça a d'une certaine façon nourri mon parcours et mes recherches au niveau de l'architecture. Alors, mais ce sont en fait finalement des chemins qui ne sont pas totalement directement liés. Et donc, un peu la façon dont, au fur et à mesure des études, des expériences professionnelles, on va chercher des choses qui nous ressemblent. Et en ça, je pense que les architectes sont quand même des personnes assez engagées, avec des engagements différents, et que mon parcours s'est construit, disons, avec un questionnement sur le rôle social de l'architecte. Et dans ce rôle social, il y a mon intérêt aussi pour, disons, les savoir-faire, puisque c'est, disons, à travers des artisans, des ouvriers, des gens de terrain que l'on peut fabriquer et que l'on peut transformer notre environnement, le bâti et notre habitat. Et c'est avec eux que l'on fait, et c'est aussi pour les gens que l'on fait. Et donc, disons que nous sommes là pour, un peu pour articuler tout ça, mais que tout ce savoir, disons, qu'ont les artisans et tout ce, disons, ce savoir d'usage que qu'ont les habitants, eh bien, on doit essayer de les articuler pour les faire remonter et disons leur donner forme. Et donc, c'est un peu au fur et à mesure de mes expériences que j'ai réussi finalement à orienter ma pratique professionnelle. Et donc et réussir à un moment donné, donc il y a de ça un an et demi, à créer ce bureau d'études en ingénierie sociale qui est vraiment là pour mettre l'accent justement sur cet aspect économie sociale et solidaire du travail de l'architecte et en relation avec les habitants. J'entends dans ta pratique l'envie de remettre l'être humain au cœur de tout, l'être humain à travers ses capacités techniques, créatives. Là, en l'occurrence, tu parlais du travail des artisans, mais aussi de servir finalement leur capacité à mieux vivre, alors que en général, dans les médias classiques, traditionnels, on met en avant le geste architectural pas du tout dans cette perspective. On parlera du beau, on parlera de la prouesse technique. Est-ce que tu dirais que les considérations que tu portes, elles se retrouvent largement chez tes pairs ? Est-ce que sur les bancs d'école, tu sentais que c'était des enjeux importants ? Et est-ce que encore aujourd'hui, tu trouves que les personnes qui sont dans ce même domaine que le tien vivent un peu ces engagements ou finalement en sont très éloignés? Je pense que d'une façon générale, tout le monde les porte, mais chacun va les, disons, un peu tirer la ficelle une ficelle ou une autre de ces approches. C'est-à-dire que le prisme du beau n'est pas éloigné du prisme social. Il n'y a pas de, on peut aborder les choses par la matière ou par la technique ou par le savoir-faire des artisans et avoir un très fort attachement à fabriquer un objet esthétique. On peut aussi, et ça c'est peut-être plus mon cas, je regarde les bâtiments que l'on doit transformer avec beaucoup de curiosité pour essayer de comprendre comment ça a été fabriqué, pourquoi on l'a fabriqué de telle façon et comment on va pouvoir le transformer. Et donc, moi, la ficelle que je tire, c'est un peu celle de la technique, mais du savoir-faire. Et donc, le savoir-faire avec toute la transmission que cela implique. Alors, le fait de s'attacher à la réhabilitation et au bâti ancien, c'est une façon d'aller chercher et d'aller comprendre comment, disons, les techniques anciennes, enfin, techniques traditionnelles du bâtiment et de fabrication du bâtiment qui était, disons, la règle avant l'époque moderne, et bien comment aujourd'hui on peut retrouver ça, comment on peut aujourd'hui dialoguer avec des bâtiments qui ont été fabriqués avec des savoir-faire qui aujourd'hui, alors, s'ils ne se sont pas perdus, ils ne sont plus la majorité. On est sur des savoir-faire qui sont issus de l'industrialisation et qui donc ne sont pas tout à fait toujours compatibles avec ça. Donc, les autres architectes vont avoir d'autres accroches et d'autres approches qui vont leur être propres, mais qui d'une certaine façon vont refléter aussi les préoccupations de la société. Donc aujourd'hui, finalement, le monde et notre environnement direct nous racontent beaucoup de ce qu'on doit comprendre et aller saisir dans le monde. Donc les préoccupations environnementales, les préoccupations qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui sur le fait de moins consommer, de consommer différemment, la frugalité, le réemploi et autres, sont des choses que l'on peut saisir et qu'on va saisir à notre façon pour aller contribuer, disons, à améliorer un peu notre environnement bâti. Et à la fois, l'héritage, il est lourd, hein. On arrive là, en 2020, dans une situation au niveau du logement. Alors, je dis pas qu'il faut reprocher aux architectes tous ces maux, mais on est quand même dans une situation où en France, on compte environ 36 millions de logements, dont 3 millions qui sont vacants. Donc c'est quand même une rentabilisation du parc immobilier qui est assez déplorable. Et puis en plus, on parle aussi d'un nombre moyen de personnes par logement qui est en déclin, d'une surface moyenne en mètres carrés qui peut atteindre jusqu'à 45 mètres carrés par personne dans une maison, alors que des cabinets d'études qui justement mettent en avant les choix, les restrictions, les adaptations qu'il faudrait mettre en place pour tenir sous les 1,5 degrés, qui devraient plutôt en fait nous amener à habiter le logement avec chacun une surface de 30 mètres carrés, donc on en est loin. Comment tu expliques, toi, cet héritage qui est absolument décorrélé de l'urgence, comme tu le disais, l'urgence climatique, l'urgence écologique ? Voilà, je vais essayer de répondre, de bien viser la réponse par rapport à la question, mais disons que on a un contexte économique et la fabrication du logement n'est pas l'affaire, disons, que de l'État. Il y a aussi l'affaire d'investisseurs, de promoteurs privés, des orientations qui sont parfois différentes entre le bailleur social et le privé. Oui, absolument. Quand l'un va chercher l'optimisation aussi, moins d'espace pour plus de rentabilité, d'autres vont chercher d'autres types de, disons, d'équilibre. Oui, il y a des tensions économiques, c'est sûr. Donc ça conditionne énormément la fabrication du logement. Et tous les opérateurs ne travaillent pas sur les mêmes, disons, sur les mêmes types d'opérations. Donc le logement, disons que le logement vacant, par exemple, et le logement insalubre est une question qui est fondamentale et qui aujourd'hui n'est pas traité de façon uniforme sur tous les territoires. Donc on a des opérateurs et heureusement qui s'en chargent et qui vont vraiment essayer d'identifier et de remettre sur le marché des logements vacants et des logements salubres, et pour pouvoir retrouver effectivement un meilleur équilibre et pas être dans une surproduction et surfabrication de logements neufs et un déséquilibre aussi dans les surfaces produites. Parce que c'est le foncier, surtout dans les grandes villes, est de plus en plus de plus en plus rare et, en, et se vend de plus en plus cher. Et ce qui y est produit voilà, doit être absolument optimisé pour que les opérations restent faisables et rentables. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Ouais, non, mais c'est ça, effectivement. Et je comprends bien que vous, les architectes, souvent, vous êtes pas du tout à l'expression de ces grands dérèglements et qu'on peut pas du tout vous pointer du doigt pour vous faire payer un peu cette facture qui est là écologiquement un peu difficile à assumer. Et à la fois, je trouve quand même que ce que tu fais avec ce bureau d'études, et justement on va arriver à en parler, qui s'appelle Habiton, il est tout à fait dans cette perspective de dire bon bah voilà, plutôt que de laisser uniquement le pouvoir, comme tu le disais, notamment aux promoteurs, de décider la transformation du territoire, essayons de mettre le citoyen, l'individu directement à l'origine de des projets et en tout cas en son cœur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, je sais pas, comment vous fonctionnez avec Habiton, peut-être nous parler d'un projet phare dont tu es fier? Alors bon, c'est vrai que Habiton est une expérience qui est vraiment très très stimulante. Alors disons, ce qui est intéressant avec l'interface entre Habiton et l'agence d'architecture, c'est que Habiton, à travers Fanny, hein, qui est vraiment celle qui mène toutes les opérations d'Habiton et qui va vraiment donner toute la, disons, l'ampleur et la direction à Habiton, c'est que elle a cette faculté et capacité, parce qu'elle n'est pas issue de l'architecture, à traduire, disons, finalement, les besoins, le discours, disons, des habitants ou des associations, des personnes qui peuvent nous contacter, et créer un discours qui va permettre aux architectes de travailler sur cette matière et pas apporter une solution, disons, dessinée, technique et figée à une question qui serait posée. Habiton va vraiment aller reformuler des questions d'usage et les questions des habitants. Alors, on a plusieurs expériences, avec plusieurs travaux sur lesquels on intervient, alors que ce soit en concertation ou en accompagnement. À titre d'exemple, l'agence d'architecture a travaillé sur une expérimentation à Roubaix qui a été assez médiatisée, les maisons à 1 euro. Dans ce cadre là, le bureau d'études Habiton a travaillé avec l'agence sur une partie des travaux faits en autoréhabilitation accompagnée, donc avec les futurs habitants. Et il y a là-dessus, cette opération, quelque chose de très fort qui a pu se créer. C'est-à-dire que l'habitant, qui lui n'est pas un technicien, n'est pas quelqu'un qui est issu du bâtiment, ne parle pas, disons, le jargon des architectes, des entreprises. Et comme tout bon architecte qu'on peut être, on a vite tendance à orienter les discussions avec les entreprises et sur chantier, sur la technique, sur le faire, sur le bâtiment lui-même. Ce qui peut mettre complètement de côté l'habitant dans un cadre d'auto-réhabilitation accompagné. Et donc tout le travail d'Habiton est vraiment d'articuler toutes ces personnes, donc de créer quelque chose de commun et de permettre que finalement cette expérience et ce travail soient faisables et se fassent de la meilleure façon possible. Parce que il faut effectivement que les discours des uns des autres et les questions, les préoccupations des uns des autres trouvent une direction commune et puisse au final se matérialiser par une prise en main de la fabrication d'une partie de l'habitat par l'habitant. Donc c'est vraiment l'utilité là-dessus d'Habiton et sur cette articulation. Donc et je me rends bien compte que sur d'autres opérations sur lesquelles on a pu avoir une partie où il y avait une partie d'autoréhabilitation, eh bien au final il y a un détachement qui se crée, qui ou en tout cas que nous au sein de l'agence on n'a pas réussi à mettre en place un dialogue qu'on n'a pas réussi à mettre en place de la même façon que sur cette opération-là. Donc, d'où je pense la nécessité effectivement d'avoir quelqu'un qui est là pour créer cette ce terrain d'entente en fait finalement. Et c'est il y a dans ça de la concertation, de l'équilibre entre les discours des uns et des autres pour mener à bien cette expérience. C'est quand même fou, en t'entendant en parler, je me disais ça, c'est quand même fou de se dire que la finalité, c'est-à-dire le bien-être de l'habitant, était à ce point-là complètement décorrélé du travail, du faire, comme tu le disais, de tous les corps de métier qui sont impliqués dans la fabrication du bâtiment. Et que vous deviez créer un bureau d'études avec des personnes qui ne sont pas architectes, mais qui ont cette fibre sociale, qui vont réussir à aller traduire et organiser des espaces pour redonner de la place aux habitants, c'est quand même fou, non ? Alors, oui, alors, c'est fou. Moi, j'imagine que d'autres architectes mènent peut-être ça mieux que nous, je ne sais pas. Mais, non, je pense que, en fait, la fabrication de l'habitat a un contexte économique qui est tel que on traduit au départ des dialogues avec les habitants, des volontés de projet, on arrive à l'architecte bien établir et créer et faire ce projet qui va retranscrire, matérialiser les volontés de l'habitant au départ. Mais au final, il n'y a pas toujours la place pour l'expérimental ou pour le petit plus quoi. Donc disons que bah oui, intégrer d'auteurs habilitation accompagnée, c'est compliqué et c'est pas possible forcément dans toutes les opérations. Il n'y a pas forcément la demande et donc il y a certaines demandes d'habitants qui ne s'expriment pas dans certains projets et pourtant qui pourraient qui devraient avoir leur place. Donc, en fait, c'est pas fou, c'est vraiment le contexte aujourd'hui de fabrication d'habitat qui nous impose ça, enfin qu'on s'impose, enfin qu'on accepte et qu'on ne remet pas forcément assez en question, mais ça fait plutôt du bien de se dire que on a des tiers qui sont, ben, et là, en l'occurrence Habitons, qui viennent justement nous permettre à tous d'être dans une démarche un peu réflexive sur nos pratiques et qui viennent nous demander d'avoir un discours sur notre façon de faire aussi notre métier d'architecte, nos métiers de bâtisseur et autres. Et de la même façon, les habitants ne sont pas des clients qui commandent un habitat avec voilà, je veux autant de chambres, etc. Il y a de ce fait une autre implication. Et donc chacun vient un peu re-questionner sa place. Et ça, c'est ça qui est chouette dans cette aventure. Ouais, on va se projeter bientôt en 2030 glorieuse. Hein. Merci pour cette première partie, merci pour l'exposition de tous ces enjeux, de tous ces mécanismes. J'entends quand même le poids, la lourdeur des contraintes économiques. Et puis après, tu le disais là, en filigrane, à la fin de cette première partie, le poids des habitudes aussi, du mémétisme ou d'une charge de travail qui fait qu'à la fin, on arrête un peu de se forcer à prendre du recul sur ses pratiques et sur la finalité de son travail. Et ça, c'est pas propre seulement au milieu du bâtiment, mais en fait à tous les milieux. Et du coup, c'est quand même intéressant de te l'entendre dire comme tu le dis, avant de partir en 2030 glorieuse, avant de voyager dans tous ces territoires qui seront enfin habités de manière durable, solidaire, joyeuse, enthousiasmante, on a l'habitude de marquer une pause et d'ouvrir une fenêtre d'utopie grâce à la littérature. Et toi Nicolas, tu es venu aussi avec un passage d'un roman qui contient justement une représentation de ces mondes de demain que tu voulais nous partager. Lequel ? Alors, il s'agit d'un texte qui m'est cher et que j'ai toujours, un peu en livre de chevet et qui oriente un peu toujours mon travail, enfin en tout cas ma façon de voir le monde. Il s'agit pas d'un roman, mais il s'agit d'un texte qui est « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » de Stieg Dagerman. « Ma vie n'est courte que si je la place sur le bio du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter ? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Mais tout ce qui m'arrive d'important, et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu, la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps, et par la même occasion, celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer. Ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance. Ce qui est parfait œuvre en état de repos. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait, mais en conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il approvisionne des machines et il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L'important est qu'il fasse ce qu'il fait en toute liberté, et en pleine conscience de ce que, comme tout autre détail de la création, il est une fin en soi. Il repose en lui-même comme une pierre sur le sable. Je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons, et encore moins nier sa réalité. Mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps et la gloire. Par contre, il n'est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrai me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis victime. Ce que je serai alors contraint de reconnaître, c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Même avec ma liberté toute récente, je ne puis les briser. Je ne puis que soupirer sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l'homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables. Selon moi, une sorte de liberté est perdue pour toujours ou pour longtemps. C'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, de même que l'oiseau et que l'animal terrestre. Thoreau avait encore la forêt de Walden, mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté, en dehors des formes figées de la société ? Merci Nicolas. Qu'est-ce que tu voulais nous dire à travers ce texte ? Ah, c'est assez compliqué le comme texte qui, enfin c'est un texte qui est à la fois mélancolique et qui est une sorte de phare pour moi, pour par rapport à notre liberté, notre justement le fait que mais qu'on puisse être maître un peu de notre vie et de ce qu'on fait et que l'on doit chercher absolument à s'accomplir dans ce qu'on fait. Notre métier, notre activité principale nous pose des contraintes, si on peut vite être esclave de nous-mêmes et de notre travail. Je suis bien placé pour en parler, à quel point je me dédie aussi à mon travail, et pourtant il y a cette vie à travers ce qu'on peut faire et notre travail qui enfin que l'on peut aller chercher et qui au final n'est que le seul but, quoi. On n'est pas là pour fabriquer des maisons, on n'est pas là pour laisser une empreinte indélébile de notre passage sur Terre, c'est insignifiant finalement ce que l'on peut fabriquer, hein. Un architecte pour moi n'a pas justement doit avoir un très faible ego pour ne pas vouloir laisser quelque chose de trop trop apparent, mais être un acteur et un passeur de la fabrication de notre environnement matériel, disons. Donc dans tout ça, voilà, comment être libre dans notre dépendance à la, disons, à notre métier, à notre et à, comment, aux formes figées de la société, quoi. Effectivement, disons, l'architecture est très contrainte par le contexte économique et le contexte technique. Et bien, comment avoir une certaine liberté dans tout ça? Et bien justement, Nicolas, la liberté, nous allons la prendre le temps d'une discussion, puisque ça y est, nous sommes en 2030 glorieuse, un lieu des utopies, un lieu des optimismes, un lieu où notre imagination est notre seule limite. Ça peut être à la fois tout à fait grisant et tout à fait aussi étourdissant, tant tout d'un coup on a un pouvoir extraordinaire à notre portée. Nous allons voyager le temps d'un instant dans une société qui, elle, a réussi à mettre le vivant au cœur de tout. Nous avons réussi à reprendre notre place parmi la nature. Et dans 10 ans seulement, malgré effectivement le dérèglement du climat, encore la pression qui est mise à la biodiversité, nous avons largement redressé la barre de notre organisation sociétale. Alors bien sûr, c'est juste le jeu d'une conversation, mais nous allons parler de ces 2030 glorieuses dans lesquelles nous sommes au présent pour faire vivre aux personnes qui nous écoutent cette expérience alors que eux sont encore dans le passé. Je ne sais pas si tu t'en souviens, à l'époque, ils sont encore bloqués dans les 2021, une période assez sombre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc nous, on est en 2030 glorieuses, on est libérés, tu parlais de liberté tout à l'heure. Quelle est la première chose que tu as envie de décrire aux personnes qui nous écoutent de ces 2030 glorieuses? Bien, si les 30 glorieuses du XXe siècle sont un peu le jalon de un point de repère de l'époque moderne, hein, disons, de la fabrication moderne de notre cadre de vie, et bien les 2030 glorieuses sont celles d'un, peut-être pas d'un retour, mais d'une évolution sur une fabrication de notre cadre de vie avec des techniques, disons, plus proches des techniques traditionnelles. Et donc, avec une coproduction et une forte participation de chacun à la fabrication de notre cadre de vie. Et donc, toutes les craintes que l'on avait sur le passage à des techniques, disons, moins répandues de fabrication de l'habitat, les matériaux, disons, un peu écologiques, l'isolation en paille ou la maîtrise de la chaux pour enduire nos murs, et bien tout le monde est devenu acteur de cette fabrication de l'habitat, et donc les habitants maintenant se donnent à cœur joie à fabriquer avec les artisans et les architectes leur habitat, et tout le monde a changé les techniques de fabrication avec des choses qui sont plus proches de notre environnement géographique et notre environnement immédiat. On a pu rouvrir d'anciennes carrières de pierre, des argilières toutes fraîches et locales qui nous permettent en fait d'avoir de construire avec ce qu'on a sous les pieds, mais aussi de réutiliser largement les matériaux de la déconstruction. Voilà un peu le contexte. Oui, je le disais tout à l'heure, hein, l'idée de reprendre sa place parmi la nature dans la manière d'habiter le territoire, c'est aussi un pas en avant extraordinaire. Là où il y a quelques dizaines d'années, la ville verticale, minérale, connectée, était le symbole de la modernité, comme tu l'appelais, cette époque où effectivement les 30 glorieuses ont été peut-être le passage clé, l'accélérateur absolu. Là, nous, aujourd'hui, on est dans une période où les matériaux sont considérés, valorisés, réutilisés. Tu le disais, il y a eu toute une déconstruction, comme à l'époque on déconstruisait les églises et les grands bâtiments pour réutiliser leurs matériaux afin de construire de nouveaux bâtiments. Là aujourd'hui, on est aussi beaucoup plus lié à notre territoire. Tu parlais des carrières d'argile. Je pense aussi à toutes ces forêts, à toutes ces ressources en bois, hein, qu'on a appris à maintenir, à faire grandir et à utiliser à bon escient. Oui, je pense que ce qu'on a recherché par ces profonds changements, c'est être plus conscient de ce qu'on fait, et que c'est vrai qu'on a réussi à retrouver une certaine frugalité. Donc là, il n'est pas nécessaire d'aller chercher du bois neuf pour construire une charpente, alors que qu'on en démonte quotidiennement de nombreuses pour pouvoir justement rénover l'habitat. Et donc toute la réutilisation de ces anciens bois de charpente, ben, effectivement, est une leçon que l'on a tirée et qui nous permet justement d'avoir un meilleur équilibre entre ce qu'on garde, ce qu'on jette et comment on gère nos ressources immédiates. Cette manière d'habiter différemment la France, elle veut aussi dire qu'il y a eu des mouvements qui ont été faits entre les villes et les campagnes, avec sans doute un désengorgement des villes, hein, qui était devenu à la fois très congestionné et tentaculaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Mais que malheureusement, cette décongestion des villes n'est pas encore idéale, et qu'elle a été faite au détriment des populations les plus démunies et les moins inscrites dans ce mouvement, parce que ce mouvement de migration un peu de certains habitants des villes vers des campagnes où le rythme de vie est plus doux et en plus grande proximité avec la terre, une relation plus simple à l'environnement direct et beaucoup de... Ce que je comprends que tu essayes de dire, c'est qu'effectivement, il y avait des gens qui avaient une conscience écologique, qui avaient envie de cette proximité avec la nature, qui ont eu les moyens de partir de la ville, et que peut-être ça a laissé la ville à tout un tas d'autres personnes qui, elles, étaient un peu pris par ce jeu, limitées économiquement au moins. Oui, alors ce que dit souvent donc Fanny qui travaille chez Habiton, c'est que avant de viser la frugalité, ben, il faut avoir eu la possibilité d'accéder, disons, à tout le confort matériel. Et donc celui qui ne peut déjà pas accéder au confort matériel, ça peut lui faire violence que de lui demander d'être frugal. Et donc dans ça où cette ces mouvements de population ont un peu laissé de côté, mais on va y arriver. Hein. Oui, d'autant qu'en plus, ces mouvements, comme tu le dis, qui ont laissé de côté les plus vulnérables, ils ont permis quelque chose d'assez fantastique. C'est justement d'enlever de la pression dans les villes, donc du coup, d'enlever une certaine pression économique, de redonner de la place. Et ces personnes les plus vulnérables, comme on le voyait très bien avec les jardins ouvriers ont une relation aussi à la terre qui leur est propre, souvent dans des générations pas si lointaines. Et donc du coup, on voit que ces personnes qui aujourd'hui bénéficient de plus d'espace, de moins de contrôle dans les villes, ont notamment débétonisé tout un tas de parkings, de places de parking, de routes pour faire pousser leurs légumes, leurs fruits, et reprendre ce lien à la terre littéralement juste à côté de chez eux. Donc cette place qui a été créée, elle est toujours occupée, et là en l'occurrence occupée en laissant libre cours à des savoirs qui n'étaient pas si lointains finalement. Oui, alors c'est vrai que tout le mouvement d'agriculture urbaine qui se développe, enfin avec des vrais métiers, hein, qui apparaissent, est extrêmement intéressant et effectivement permet d'enrichir un peu notre façon de vivre. Et c'est vrai que les villes sont ne ressemble plus du tout à ce qu'elle à l'image qu'on pouvait en avoir il y a encore ça 10 ou 15 ans. Donc et effectivement cette agriculture urbaine permet aussi d'être un petit peu moins dépendant des gros producteurs de fruits et légumes, donc avec un rythme de vie qui ralentit un petit peu aussi pour chacun, avec un temps dédié, disons, comme on a réussi à avoir du temps à dédier à la fabrication de notre environnement direct, eh bien, il y a aussi ce temps qui est dédié à la production de nos fruits et légumes. Oui, parce que je parle des places de parking qui ont été débétonisées, mais en fait, on est allé beaucoup plus loin que ça. Hein. Les aéroports qui sont devenus inutiles ont été redonnés aux agriculteurs. On peut parler aussi de tous ces centres commerciaux avec ces parkings gigantesques, avec ces toits démesurés qui ont été largement repris pour aussi la fabrication d'une alimentation plus locale, de saison, respectueuse des cycles de la nature. Donc, il y a quand même cette réappropriation des anciens bâtis qui, sans avoir tous été détruits, ont été réadaptés à l'urgence de remettre notamment une production alimentaire presque, j'allais dire, à portée de main. Oui, avec... D'autant que, en fait, tout ce que je te dis là, ce sont des choses qui ont été largement faites, par exemple, dans des villes un peu précurseurs comme Détroit, par exemple. Donc, tout ce que je te dis, je le sors pas de mon chapeau. On pourrait en être pas si loin. Et je vois, par exemple, avec le mouvement Ferme d'Avenir, le projet de réhabilitation d'un ancien aéroport, il y a des choses, des signaux précurseurs que ces 2030 glorieuses, ils sont tout à fait tangibles. Hein. Oui, c'est vrai que c'est enthousiasmant. Alors, ce qui est compliqué à réfléchir, c'est la réalité immédiate, quoi. C'est-à-dire que comment on se place d'un point de vue aujourd'hui, en 2020, avec une situation qui est très très loin de ça. Et c'est vrai que de se dire que, bah oui, que les pouvoirs publics peuvent aussi à un moment donné être les moteurs pour tout ça, et que l'initiative citoyenne aussi, quand elle est soutenue par les associations, les pouvoirs publics, eh bien on arrive à créer de belles choses. Et c'est là où effectivement on peut voir émerger des très très beaux projets, où effectivement on peut dans un aéroport, dans des très grosses infrastructures, se l'approprier et en faire quelque chose de complètement impensable à un moment donné. Et pour tout ça, c'est, je pense vraiment l'énergie de chacun, comment chacun met de l'énergie dans ces projets-là, et comment on arrive à articuler tout ça qui est moteur. Parce que les petites initiatives sont très belles, et ce qui est magnifique, c'est quand on arrive à les articuler les unes avec les autres pour créer disons une vision commune. Et cette vision commune de société, eh bien c'est ce qui est ce qui est magnifique, c'est quand on voit que des pouvoirs publics peuvent la porter aussi. Et même la magnifier, on revient en 2030 glorieuse, mais le législateur, il a été d'une aide assez cruciale, notamment par exemple dans le détricotage de ces lois, je ne sais pas si tu t'en rappelles, qui venaient largement brider le développement et le déploiement des habitats légers. Toutes les cabanes, toutes les tiny houses, toutes ces yourtes étaient très difficiles à installer à cause de la loi. Et donc le fait d'avoir largement libéré les habitats légers ont aussi donné à nouveau un vrai attrait pour un habitat nomade, un habitat qui se déplace, qui s'adapte aux saisons, qui s'adapte au territoire, qui s'adapte aussi à la réalité familiale qui est changeante tout au long de la vie. Et ça, en 2030 glorieuse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent. Est-ce que tu as envie de nous en dire un mot de ces nouvelles formes d'habiter et presque ces nouvelles formes de nomadisme? Oui, alors effectivement, une fois que qu'on a réussi à déverrouiller un peu les certaines lois, on a vu effectivement émerger beaucoup plus de projets un peu spontanés et intuitifs, où chacun pouvait finalement réussir à proposer le modèle d'habitat qui lui convenait. Et c'est vrai que tous les habitats participatifs qu'on connaissait, qui étaient un petit peu trop encadrés, eh bien, se sont développés d'une façon exponentielle avec effectivement des gens qui ont proposé des modèles complètement différents selon les quartiers, selon les groupements. Et oui, entre certains qui ont réussi à créer de l'habitat léger un peu spectaculaire dans toute la ville, dans ces énormes espaces qui ont été finalement délaissés, nous montre à quel point finalement chaque habitant a intuitivement une bonne connaissance de ce dont il a besoin, et que au final, toutes les formes figées d'architecture, sont désuètes, quoi. Tous ces grands ensembles ont été peut-être utiles à un moment donné, mais ils ne correspondent plus du tout à ce que l'on peut chercher. Et donc aujourd'hui, ces formes hybrides d'habitat où on a effectivement des choses totalement différentes, sont une richesse parce qu'elles créent des rencontres surprenantes entre des gens qui n'étaient pas destinés à se rencontrer dans la fabrication de la ville ancienne. Toi, Nicolas, qu'est-ce que tu fais en 2030 glorieuse? Qu'est-ce que je fais en 2030 glorieuse? Ouf. J'essaie de transmettre un peu de toutes ces expériences et de toute ce recul qu'on peut avoir sur la modernité. Et donc j'essaie de transmettre un peu parce que mon métier d'architecte est beaucoup moins prenant parce que effectivement les choses sont beaucoup plus prises en main par la société en général et donc notre travail est beaucoup plus doux, on est moins dans la libre concurrence où on doit aller chercher des marchés, on est plutôt là à conseiller et orienté. Donc moi je transmets beaucoup plus et j'aide justement les différentes associations, les différents groupes à avoir des démarches réflexives sur la fabrication de notre cadre de vie. La route, elle est encore longue, hein, Nicolas, avant ces 2030 glorieuses, et à la fois, c'est demain. Pour les personnes qui nous ont écoutés, qui se sont projetées dans ces 2030 glorieuses où on habitera le territoire de manière complètement différente, qu'est-ce que tu as envie de leur proposer comme premier pas pour cheminer vers ces caps enthousiasmants? Quel est le conseil que tu leur donnerais pour se mettre en mouvement ou pour, pourquoi pas, accélérer vers ces caps? Qu'est-ce qu'ils doivent faire là, dès la fin de cet épisode, pour aller encore plus vite vers ces 2030 glorieuses? Ouais, je pense que un petit peu comme pour l'agriculture urbaine, la permaculture, les jardins partagés, la fabrication de notre cadre de vie est l'affaire de tous. Et donc, je pense que chacun peut aussi se dire que je peux faire, je peux fabriquer, je peux transformer. Et tout ça s'accompagne avec des gens comme Habitons, avec des gens comme des architectes, avec des associations, mais chacun peut être, dans la fabrication de son habitat. Et donc, dans cet acte-là, il y a une appropriation et une responsabilisation aussi. Et donc, quand on laisse quelqu'un décider pour nous absolument parce que on n'a pas forcément la connaissance ou on n'a pas le temps de se former, de s'informer, on fait des choix par dépit ou des choix qui sont uniquement économiques. Et donc le fait de fabriquer soi-même, le fait de poser un isolant écologique ou un isolant industriel, ça n'est pas tout à fait la même chose. Et on peut avoir une meilleure conscience de ce qui nous entoure, la matière qui nous entoure est très très importante. Donc que ce soit un matériau écologique ou non, tout ça a un impact sur nous. Et donc le fait de le transformer, de le fabriquer, de le poser, ça instruit et ça permet justement d'entamer un peu cette mutation. Merci Nicolas. Merci à toi. Et voilà, cet épisode avec Nicolas Pereira est terminé. C'est un épisode très riche, très dense, sur un sujet qui est quand même complexe. Et comme je vous le disais, ça faisait longtemps que je cherchais la bonne personne à interviewer. Parce qu'on peut vite se retrouver avec des techniciens, avec des sachants, et donc un discours de là à dire hors sol, je sais pas, mais qui serait très éloigné de la réalité. Et puis aussi, du coup, une difficulté à se projeter dans ce monde des 2030 glorieuses, qui est quand même un monde très à part, et il faut réussir à avoir cette créativité, cette légèreté aussi, qui nous permet d'aborder des sujets qui, moi, me semblent vraiment primordiaux. On est quand même, et là du coup je terminerai là-dessus, mais on est quand même dans une période qui est sombre, une période où les Français ne veulent même plus penser à l'avenir tellement le présent est lourd, et c'est pour ça que ce travail des 2030 Glorieuses, il est pour moi primordial, et c'est pour ça aussi que j'ai lancé le guide des conversations utopiques, hein. La campagne de financement participatif, elle est encore en ligne et pendant quelques jours, et je suis persuadé que pour toutes les personnes qui prennent du plaisir à écouter ce podcast, c'est vraiment un outil qui va leur permettre de faire vivre ces expériences d'un futur enthousiasmant à leur entourage, et que c'est nécessaire, c'est même presque obligatoire pour permettre aux Français de relever la tête, de se rendre compte qu'il y a plein de choses à faire et que ça vaut vraiment le coup de se relever les manches et d'être voilà, dans l'énergie de la transformation, dans l'énergie de la construction, dans l'énergie de la création, parce que voilà, moi ça fait 4, 5 ans, 6 ans maintenant que je navigue dans ces eaux-là, et c'est passionnant, et en fait surtout c'est libérateur et ça devient contagieux. J'espère que j'arrive à vous donner cette énergie, j'espère que cet outil arrivera à vous donner les clés, un prétexte supplémentaire pour faire vivre ça à vos proches, et forcément je suis très heureux de vous retrouver d'ici 2 semaines avec un nouvel invité dans le podcast 2030 Glorieuse. Allez, salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !